croyait pouvoir tromper la mort. Oui, mais tu t'es trompé, Charlie. Les forces obscures de la mort t'ont prise dans leurs bras de folie. Ce n'est que le début des jours sombres où un souffle fétide s'est répandu. C'est la liberté qui est visée et la peur se répand sur le monde. Croyais pouvoir tromper la mort. Oui, mais tu t'es trompé, Charlie. Les forces obscures de la mort t'ont prise dans leurs bras de folie. Ce n'est que le début des jours sombres où un souffle fétide s'est répandu. C'est la liberté qui est visée et la peur se répand sur le monde. Mais tout n'est pas fini, Charlie. Des voix se lèveront à ton nom. C'est pour défendre la liberté. C'est pour répandre la fraternité.